Et le premier anniversaire de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Frédérique Vidal, est un anniversaire assez mouvementé, confronté aux plus importants mouvements étudiants depuis plus de 10 ans, la loi ORE, Parcoursup, blocage des universités et perturbation des examens. La fin de l'année scolaire s'annonce encore un peu agitée. Nous parlerons également de ses projets pour la recherche française face à une précarité grandissante, une absence de création de postes, des parcours de financement bouchés et tout de même un budget en légère augmentation. Quel bilan tirer de cette première année ? Frédérique Vidal, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, est notre invitée spéciale pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et bonjour Frédérique Vidal. Bonjour. Mille merci d'avoir accepté notre invitation pour cet anniversaire en quelque sorte de cette première année à la tête du ministère. Comme je le disais dans cette introduction, c'est vrai que c'est un anniversaire assez mouvementé. Alors c'est un anniversaire qui effectivement voit un petit nombre de facultés avoir des problèmes d'occupation et de blocage. Ceci dit, dans la très grande majorité des établissements d'enseignement supérieur, les choses se passent bien et il n'y a pas de blocage. Donc c'est un anniversaire, effectivement, qui nécessite que je fasse appel à toutes mes capacités d'explication, de pédagogie, pour continuer à expliquer ce que nous avons souhaité faire pour qu'on tire plus haut sur cette année et pour qu'on améliore la réussite des étudiants. Vous assurez aujourd'hui que les examens vont pouvoir se tenir dans toutes les universités du pays ? Oui, j'ai encore fait le point avec les présidents d'université. Je le fais très régulièrement, donc il n'y a pas de difficulté majeure qui ait été identifiée. Et nous avons à notre disposition des amphithéâtres et des salles qui peuvent être utilisées pour les examens en cas de difficulté ponctuelle. Il ne vous aura pas échappé que c'est un autre anniversaire cette année. On en parle longuement sur France Culture. Ce sont les 50 ans de mai 68. Évidemment, difficile de ne pas faire le rapprochement. À ceci près qu'évidemment, en 50 ans, les temps ont changé. Alors Frédérique Vidal, est-ce qu'il est plus facile aujourd'hui de faire évacuer les universités par les forces de l'ordre qu'en mai 68 ? D'abord, je pense que effectivement, c'est important de comprendre quelle était la société en mai 68 pour bien comprendre à quel point la société aujourd'hui est différente, mais 68 portait des revendications qui étaient d'ailleurs mondiales, hein, d'avoir plus de liberté, et dans les universités notamment se poser la question de la mixité. Et bon, donc c'est très important de remettre mai 68 dans le contexte de la société à l'époque. Les choses sont strictement identique aujourd'hui, hein, puisque ce qu'on appelle la franchise universitaire, ça date du Moyen-Âge, et seuls les présidents d'université sont en capacité, lorsque ils ne se sentent plus en capacité d'assurer la sécurité des biens et des personnes, parce que ce qui se passe sur les campus échappe à leur contrôle et leur paraît ne plus relever des activités universitaires normales qui incluent le débat et la contestation, mais en tout cas raisonner et argumenter, alors ils font appel aux forces de l'ordre. Et c'est ce qui se passe dans un petit nombre de cas, lorsque effectivement il y a des dégradations qui sont constatées, lorsqu'il y a des agressions qui se déroulent sur les campus, et où voilà, ils se sentent dans l'incapacité d'assurer eux-mêmes cette sécurité. Ce que je voulais dire, c'est qu'on a vu quelques images qui ont fait le tour, qui ont été diffusées à la télé, sur les réseaux sociaux, des logements parfois un peu brutaux des forces de l'ordre, des mêmes images. Évidemment, les réseaux sociaux n'existaient pas en mai 68, auraient certainement embrasé la situation. On a l'impression qu'aujourd'hui, ces images passent relativement simplement, en tout cas sans susciter une émotion grandissante, ni de la part des étudiants, ni de la part du reste de la population. D'abord, effectivement, les réseaux sociaux en mai 68 n'existaient pas. Je crois que les gens sont aussi capables aujourd'hui de savoir ce dont sont capables les réseaux sociaux, hein, y compris de permettre la propagation de rumeurs. Il y a des images qui sont inacceptables. Je pense par exemple à ce qui s'est passé à Montpellier, Et qui a effectivement suscité, à juste titre, une très vive émotion. À Montpellier, c'était pas les forces de l'ordre, hein, c'était absolument, des groupuscules d'extrême droite. Absolument. Mmh. Il y a ensuite des images qui montrent qu'effectivement, lorsqu'il est nécessaire de faire évacuer certains sites, les forces de l'ordre, je crois, en tout cas moi, des images que je vois, agissent dans le calme, et c'est effectivement extrêmement important qu'elles puissent le faire. Il y a certaines images qui montrent des choses peut-être un peu plus musclées, mais on va passer peut-être au fond de cette réforme, la loi ORE pour orientation et réussite des étudiants. L'un des points de crispation, c'est cette plateforme Parcoursup qui vient remplacer APB, qui cristallise beaucoup d'inquiétudes. Vous dites, Frédéric Vidal, que vous refusez d'entendre le terme sélection à l'entrée de l'université. Que faut-il dire à la place de sélection si ce n'est pas ce que vous entendez ? D'abord, je crois que c'est très important de faire la distinction entre ce que dit la loi, et c'est ça qui est important, et une plateforme technique qui accompagne les inscriptions et qui s'appelle Parcoursup. Ce que dit la loi, c'est deux choses très simples, trois choses en fait. La première, c'est nous avons besoin de mieux orienter les jeunes. Et donc ça, c'est toute la part qui a commencé à se déployer cette année, mais qui va évidemment continuer à se déployer dans les années à venir, et c'est remettre du lien entre l'enseignement supérieur et l'enseignement secondaire pour mieux expliquer ce qu'est l'enseignement supérieur et donc mieux éclairer les choix des lycéens et de leurs familles. Et ça, cet objectif-là, il est à mon sens essentiel parce que il faut avoir une réelle motivation pour réussir dans l'enseignement supérieur. Et on le voit, enfin moi je suis professeur, je l'ai vu pendant des années, et personne ne peut dire le contraire, les amphithéâtres se vident dans les premières semaines de cours. Et ça, pour moi, c'est typiquement un défaut d'orientation. La deuxième chose, c'est que l'année dernière, et d'ailleurs même avant l'année dernière, la loi ne permettait pas de mettre en cohérence le nombre de demandes sur une formation donnée avec le nombre de places, autrement que par un tirage au sort. Et donc l'an dernier, nous avons eu à gérer au niveau des rectorats, au niveau du ministère, plus de 65 000 bacheliers qui avaient été tirés au sort et qui se retournaient vers les rectorats ou vers les universités ou vers les écoles pour savoir comment faire. Donc ça, c'était l'urgence de supprimer ce tirage au sort et donc de permettre dans la loi de mettre un autre critère que celui du tirage au sort. Ceci dit, et c'est ça qui est probablement mal interprété et mal compris, puisque ce que nous faisons, c'est que nous mettons tout en place pour que ce critère ne soit pas utilisé. C'est-à-dire que dans le même temps, nous ouvrons plusieurs dizaines de milliers de places dans les filières en tension. 19 000 places exactement, hein, oui, dans les filières en tension. Et comme je l'ai dit, on est prêt à en ouvrir plus, et le Premier ministre l'a rappelé hier. La troisième chose, c'est que le taux de réussite en première année de licence est de 30%. Et donc, il faut accueillir la diversité des étudiants dans ce qu'elle est. Et il faut proposer aux étudiants des parcours qui les aident à réussir. Alors, et je ne parle pas de la réduction du coût de la rentrée universitaire de plus de 100 millions d'euros par rapport à l'année dernière, avec la prise en charge par le régime général de sécurité sociale, de la sécurité sociale étudiante. Qui est un autre, effectivement, élément important de cette loi ORE. Une question tout de même sur cette notion de sélection, même si le mot ne vous convient pas, sur ces quelques filières en tension. Vous avez effectivement créé 19 000 places. Est-ce que la solution, ça n'est pas juste de créer le nombre de places suffisantes dans ces filières en tension pour pouvoir accueillir tout le monde? Ou est-ce qu'il y a tout de même une volonté de découvrir de ne pas surformer dans ces filières universitaires-là? Je parle sous votre contrôle des STAPS, du droit, psycho et PACES. Et voilà. Une fois de plus, hein, il faut bien comprendre que nous sommes allés avec les présidents d'université, avec les responsables de ces formations, dans une discussion très approfondie pour leur demander de combien de places supplémentaires ils disposaient potentiellement, mais pour lesquelles ils n'avaient pas les moyens. Les moyens en termes d'heures complémentaires ou les moyens en termes de postes d'enseignants-chercheurs. Et ce que nous avons fait, c'est que nous avons augmenté ces capacités d'accueil en leur donnant ces moyens supplémentaires. Soit des emplois, soit des heures complémentaires, soit un mélange des deux. Et c'est eux qui ont décidé de ce qui leur paraissait le plus pertinent pour leur établissement. Après, ce qui est important, enfin, ce qu'il faut comprendre, c'est que si on prend par exemple la filière STAPS, il y a toute la question des locaux dans lesquels vont se dérouler les activités physiques et sportives. Et ces locaux-là, ils ont une capacité d'accueil maximale. Donc, pour régler ce sujet-là, ce que nous avons fait, c'est que nous avons incité les universités à ouvrir des antennes dans d'autres villes que le site principal de leur implantation, en passant des conventions, par exemple, avec les villes, pour utiliser les gymnases et les installations sportives. Et c'est cet accompagnement-là que nous allons continuer à mettre en place, de manière à ce qu'on ait effectivement un nombre de places suffisant par rapport à la demande. La question de est-ce que c'est dans ces filières-là qu'il faut inciter les jeunes à aller ? Je crois que c'est une double question à laquelle là aussi la loi répond. La motivation, c'est extrêmement important. Si au travers du processus d'orientation, les jeunes décident d'aller vers ces filières, c'est que elles représentent pour eux quelque chose de suffisamment motivant pour qu'ils soient prêts à travailler pour y réussir. La contrepartie dans les universités, c'est que comme il va y avoir des parcours plus souples, plus personnalisés, y compris si le jeune finalement se rend compte que cette voie ne lui convient pas lorsqu'il est confronté à la réalité, par ces parcours plus modulaires, on peut le réorienter plus souplement au sein de l'ensemble des licences. Et c'est pour ça que c'est très important que les deux choses aillent ensemble, à la fois respecter la motivation, parce que c'est extrêmement important d'être motivé pour réussir, et en même temps, en assouplissant la façon dont on organise le premier cycle, permettre des réorientations au sein des universités. C'est sur cette question de la modularité, sur un modèle type espagnol ou d'autres pays européens qui ont effectivement ce type de parcours-là, vous ne craignez pas d'arriver à terme avec des diplômes un peu puzzle, des diplômes qui ne sont pas le témoignage d'une formation initiale solide ? Non, pour la bonne et simple raison que, évidemment, ce sont les équipes pédagogiques universitaires qui vont proposer ces parcours et ces aménagements de parcours. C'est pas l'étudiant qui va décider qu'il prend telle unité d'enseignement, telle autre, et qui mélange des choses qui peuvent ne pas avoir de sens. Moi, ce que je constate, c'est que ce système qui, effectivement, vous avez raison de le rappeler, existe dans bien d'autres pays, permet à la fois aux jeunes qui sait ce qu'il veut faire, et voilà, il veut faire, mettons, des mathématiques, il peut faire des mathématiques et encore des mathématiques. Celui qui hésite plus, il peut tester mathématiques, physique, chimie, électronique, et puis finalement voir ce qu'il préfère et ainsi construire son orientation. Donc c'est aussi plus de temps et c'est mettre moins de pression sur un choix initial qui, du coup, enferme. Et ce qu'on souhaite, c'est avoir un choix initial qui ouvre au contraire. Et ça n'a rien à voir avec cette loi, hein, puisque la spécialisation progressive en licence, c'est quelque chose qui est inscrit depuis plusieurs années. Et 4/5 des établissements, puisque les vagues se succèdent, ont déjà mis en place ce principe de spécialisation progressive en licence. Un dernier mot concernant, alors c'est pas exactement cette loi ORE, mais ça fait partie des sujets d'inquiétude qui ont été manifestés par les étudiants ou les professeurs qui se sont exprimés au cours des dernières mobilisations. C'est celle autour des masters payants, hein, une mesure que vous aviez mise en œuvre lorsque vous étiez présidente de l'université de Nice Sophia Antipolis entre 2012 et 2017. Un master facturé 4000 euros au lieu des 256 euros de frais d'inscription et qui fait craindre, bien non seulement évidemment une forme de privatisation de l'enseignement qui n'est pas habituelle ou culturelle en France, mais aussi une forme de rupture territoriale entre certaines universités qui concentreraient ces moyens privatisés et d'autres qui n'auraient que de l'argent public. Alors je vous remercie de me donner l'occasion de déconstruire là encore cette fausse information. Toutes les universités ont ce qu'on appelle des diplômes d'établissement, c'est-à-dire des choses qui ne correspondent pas à des diplômes nationaux. Mais qui sont des équivalences de master. Mais les MBA, les DBA, les bachelors, enfin voilà, les diplômes interuniversitaires, les DU, les DIU, enfin. Donc l'université que je présidais avait 300 diplômes de ce type. 10 ont été proposés, supplémentaires, et puis tout d'un coup c'est devenu les masters payants que la ministre souhaite imposée à tous les établissements. Enfin, là encore, je crois qu'il faut séparer la réalité du fantasme de certains, ou en tout cas des peurs que certains essayent d'instiller. Que vous comprenez, qui peuvent être légitimes, ces peurs de voir effectivement arriver des masters payants dans le domaine des sciences qui n'étaient pas tout à fait usuels jusqu'à présent. Alors effectivement, c'était peut-être pas usuel, mais une fois de plus, c'était très classique dans le domaine de la médecine, dans le domaine de la gestion et de l'économie. Enfin, voilà, je crois que c'est vraiment une démonstration de plus qu'il y a une recherche de polémique, une recherche d'instrumentalisation. Les rumeurs sont toujours fondées sur un soupçon de quelque chose qui peut donner corps à ces rumeurs. Voilà. La méthode scientifique, Nicolas Martin. La ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Frédérique Vidal, est notre invitée tout au long de cette heure. Frédérique Vidal, vous n'êtes pas venue seule puisque c'est aujourd'hui le Duo Day, une journée consacrée à l'inclusion des personnes en situation de handicap dans le monde du travail. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot peut-être de cette initiative ? Oui, bien sûr, c'est une initiative européenne qui est en fait à vocation à faire en sorte que pendant une journée, les associations, les administrations, etc., puissent accueillir des personnes en situation de handicap pour deux raisons. D'abord, pour montrer à quel point la diversité qu'elles peuvent représenter est intéressante, comme toute diversité. Là, évidemment, c'est pas moi qui vais vous dire le contraire en tant que prof de génétique. Hein. et faire en sorte que le monde du travail soit un monde plus ouvert, plus accessible pour les personnes en situation de handicap. Mais moi, je dois dire que ce matin, je suis ravie d'être accompagnée par un mathématicien avant toute autre chose. Kamel Kachour, bonjour à vous, bienvenue. Bonjour. Je vais vous présenter. Du coup, vous êtes effectivement mathématicien dans un endroit qu'on aime particulièrement à la méthode scientifique. C'est l'Institut des hautes études scientifiques. Vous êtes spécialiste des opérades et des infinies catégories des topos et du grand mathématicien Alexandre Grothendieck. Vous avez passé votre thèse à Sydney en 2013. J'ai tout bon ? Jusqu'ici, ça va. Jusqu'ici, ça va. On va essayer de s'y tenir. Vous pouvez nous dire un mot de votre parcours, d'études supérieures, de votre parcours de scientifique et de la façon dont votre situation de handicap a été un obstacle ou vous a représenté à un moment donné une complication dans votre évolution personnelle, professionnelle et individuelle. Oui, en fait, j'ai eu des difficultés scolaires très tôt, très jeune, qui sont liées justement à cette façon de penser qui est liée au syndrome d'Asperger, donc cette forme d'autisme, mais qui en réalité donne une forme d'intelligence différente et malheureusement souvent inadaptée aux méthodes pédagogiques classiques. Et à cause de cela, j'ai eu un parcours universitaire au départ très chaotique. Et à partir de 1997, j'ai fait un travail autodidacte pendant 10 ans et j'ai trouvé des nouveaux résultats mathématiques. Parce que pendant ce travail autodidacte, je me suis rendu compte, tiens, que finalement, on peut comprendre. J'ai une anecdote, si vous me permettez. Bien entendu. Un prof d'amphithéâtre nous avait dit une fois, c'était un cours de théorie de la mesure. Il nous avait dit, si dans 6 mois, vous ne comprenez pas la théorie de la mesure, c'est normal. Moi, j'avais été un peu choqué par cette phrase. Et quelques années après, pendant cette période autodidacte, je m'étais lancé dans la théorie de la mesure. Et je m'étais rendu compte que non, on pouvait comprendre la théorie de la mesure. Et que c'était une théorie claire, sans secret. Et donc, suite à ce travail autodidacte, j'ai trouvé des nouveaux résultats. Et comme donc j'ai trouvé des nouveaux résultats à partir de 2005-2006, et ces résultats-là concordaient avec un fonctionnement Internet Internet commençait à bien fonctionner avec des débits acceptables. Et là, j'ai commencé à contacter des gens un peu partout, au Canada, en Australie, en France. Et là, des gens ont commencé à me contacter et me dire « Mais de quelle université êtes-vous affilié ?» Et tout ça, et là, ça a été difficile pour moi de leur dire, écoutez, je suis tout seul. Mais vu ce que je proposais, les gens ont essayé de me voir. Donc ils ont contacté des gens à Paris qui m'ont rencontré. Et ensuite, j'ai été invité à faire un exposé dans un congrès international en 2008. Et à partir de là, je me suis retrouvé en 2010 en Australie avec une allocation recherche d'excellence pour faire de la recherche donc en full time, en temps plein, dans la plus grande équipe du monde en théorie des catégories, donc qui est l'équipe de Ross Street. Je suis revenu en France en 2013 parce que ma famille vit à Paris, mes enfants en particulier. Et depuis, c'est compliqué. C'est compliqué pour tout ce qui concerne recrutement et, et post-doc au départ et tout ça. Et on va évoquer ces questions dans un instant avec Frédéric Vidal. Madame la ministre, un mot peut-être sur particulièrement les troubles du spectre autistique dans l'enseignement supérieur et plus généralement sur l'accessibilité aux personnes en situation de handicap, ce qui est un vrai défi pour l'enseignement supérieur comme pour tous les milieux professionnels. Alors vous avez raison, c'est un vrai défi auquel nous avons décidé de nous atteler avec beaucoup de force. Il y a plusieurs types de défis. Il y a les défis d'accessibilité physique, si je puis dire, mais il y a aussi les défis d'accompagnement de ces différences qui, évidemment, ne signifient en aucun cas des intelligences plus faibles. Et notamment, pour ce qui concerne les Asperger, nous avons décidé de financer une université alors virtuelle, on va dire, hein, qui est en fait un réseau d'universités qui se sont engagés à mettre en place des conditions d'études facilitées pour les étudiants qui souffrent de ce trouble autistique, de manière à leur permettre d'avoir des lieux plus calmes dans lesquels ils peuvent organiser leur environnement. Donc ça veut dire aussi du déploiement, par exemple, de formations à distance, des rencontres qui vont être plus individuelles avec les professeurs. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est que, évidemment, ça pourra bénéficier à de très nombreux autres étudiants qui, pour des raisons diverses et variées, peuvent se trouver empêchés pendant une semaine, 15 jours, peuvent se trouver à l'étranger en stage et avoir envie malgré tout de suivre les formations à distance. Donc ce que nous essayons de construire, c'est une université inclusive bien sûr, mais qui en plus fasse la démonstration que penser la diversité, c'est donner plus à tout le monde. Merci beaucoup, Kamel Cachour, d'être venu nous parler de votre parcours. Madame la ministre, merci. J'aimerais qu'on parle qu'on dise quelques mots à propos de la politique budgétaire du gouvernement auquel vous appartenez en matière d'enseignement supérieur et de la recherche. Le budget 2018 est de 24 milliards et demi d'euros, je parle sous votre contrôle. Il est en légère augmentation de 707 millions après un gel, c'est un peu technique, mais de 300 millions en 2017. Comment vont se répartir ces 700 millions d'euros d'augmentation? Alors, ces 700 millions d'euros d'augmentation se sont répartis sur une partie enseignement supérieur avec 200 millions d'euros supplémentaires qui ont été affectés au budget des universités. Et ça, évidemment, c'était extrêmement important, notamment par rapport à la démographie. Et ça correspondait à une demande, récurrente, de prise en charge d'une partie de la masse salariale qui jusqu'à présent n'était pas prise en considération. Et puis un peu plus de 500 millions d'euros spécifiquement dédiés à la partie recherche et innovation avec des actions spécifiques, hein, des financements supplémentaires à vocation directe des laboratoires, puisque c'est très important de soutenir ce qui fait aussi la richesse de la recherche en France, c'est-à-dire ce qu'on appelle les dotations de base, libres, voilà. C'est-à-dire hors ANR, hein. Absolument. Mmh. Et puis un renforcement aussi des dotations de l'ANR, avec pour objectif de faire en sorte que les taux de succès à l'ANR remontent. Et donc ça, c'est un objectif qui est affiché sur la durée du quinquennat. On vise les 20% de succès à la fin du quinquennat. Étant entendu qu'on est aujourd'hui aux alentours de 10, ça a remonté un peu. On a fait une émission complète consacrée à l'Agence Nationale de la Recherche. On vous met le lien sur le fil Twitter de l'émission. J'aimerais qu'on évoque cette enveloppe que vous venez d'évoquer à propos des crédits directs pour les laboratoires. Une enveloppe de 25 millions, c'est cela ? C'est ça, 25 millions d'euros supplémentaires pour ces crédits de base, confiés pour partie aux organismes de recherche. Et sur cette enveloppe, j'ai souhaité réserver 5 millions d'euros spécifiquement pour la recherche en sciences humaines et sociales, parce que je pense que nous avons un vrai besoin de développer cette recherche, de la faire mieux connaître. Et donc voilà, c'est pourquoi j'ai souhaité qu'il y ait ce cinquième des financements qui soit réservé aux sciences humaines et sociales au travers de divers dispositifs, le réseau des MSH, les IEP, les réseaux des laboratoires intensifs en SHS. Voilà, l'objectif pour moi, c'était là encore que ça aille directement aux chercheurs. Alors justement, à propos des laboratoires et de leur financement, nous sommes allés recueillir le témoignage d'un directeur de laboratoire précisément. Il s'appelle Sébastien de Régnaucourt. Il dirige le laboratoire Éthologie, Cognition, Développement, qui est un laboratoire qui compte 16 personnes, qui a pour seule tutelle l'université Paris-Nanterre. Écoutez son témoignage. On a en partie des activités administratives qui sont chronophages. On n'a pas toujours le soutien à la recherche. Et en ce qui concerne les financements, eh bien, ça devient de plus en plus compliqué pour ceux qui ne dépendent pas de tutelle comme le CNRS ou l'INRA. Même si le laboratoire a pu décrocher des financements externes de fondations, voire même on a obtenu un financement de l'Agence nationale de la recherche il y a 3 ans, le succès, mais ça c'est le cas de tous les laboratoires en France, est plutôt faible. Et puis il y a aussi, au niveau de ces activités qui sont très chronophages, des petites choses qui compliquent beaucoup, justement quand on a un financement, de pouvoir l'utiliser comme on le veut. Il faut, par exemple, lorsque l'on veut acheter un ordinateur, il y a des marchés publics qu'il faut respecter, mais il faut qu'on se plie à ces marchés. Et donc, quand on veut commander quelque chose, ça ne consiste pas à aller juste au magasin et acheter ce dont on a besoin, il faut passer par de la paperasse administrative qui ralentit beaucoup la recherche. Nous ici, quand on veut commander par exemple un micro, on travaille sur la communication acoustique chez les oiseaux, eh bien le temps qu'on va mettre pour remplacer un micro défaillant, ça se compte en plusieurs semaines. On est dans une phase de transition en France, puisque cette loi de réforme des universités qui nous a un peu enclenché maintenant dans un mode de fonctionnement à l'anglo-saxonne, c'est l'idée petit à petit que les universités doivent devenir rentables. Et lorsqu'on veut faire des recherches, même quand on est évalué, on nous demande toujours quel est le côté appliqué de nos recherches. Donc pour certaines disciplines, c'est un peu plus compliqué à mettre en avant. Après, on fixe parfois des grandes priorités. Il y a à un moment donné le plan Alzheimer. On a maintenant, après le rapport Villani, on s'est rendu compte que la France est en retard par rapport à tout ce qui concerne l'intelligence artificielle. Alors c'est très bien de fixer des grandes priorités, mais souvent quand on veut habiller Paul, eh bien on déshabille Jacques. Et donc ça veut dire qu'en quelque sorte, on va allouer beaucoup, beaucoup d'argent et de financement aux recherches en intelligence artificielle, en délaissant de ce fait d'autres champs disciplinaires qui sont plus éloignés de ces aspects. Mais c'est toujours, je pense, assez problématique, parce que cette recherche fondamentale dans d'autres champs disciplinaires peut, avec du temps, s'avérer être utile et compléter certaines connaissances dont on a besoin justement pour aller vers l'appliqué. Et donc je pense que c'est toujours dangereux comme ça de fixer des grandes priorités, parce qu'encore une fois, c'est sans doute au détriment d'autres champs disciplinaires, d'autres recherches. La lueur d'espoir et les points positifs, bien entendu, de la recherche, c'est que pour beaucoup d'entre nous, c'est vraiment une vocation. On aime ce qu'on fait. On aime aussi partager ce qu'on fait lors de conférences nationales ou internationales, développer des collaborations avec des partenaires européens, internationaux. Donc je dirais que c'est cet échange qui est vraiment quelque chose qui procure beaucoup de satisfaction. La recherche, bien sûr, c'est pour créer des richesses, mais c'est aussi surtout pour créer de la connaissance et aller là où personne n'est jamais allé. Voilà le témoignage de Sébastien de Régnaucourt, directeur du laboratoire Éthologie, Cognition et Développement à l'Université Paris-Nanterre. Une réaction à ce témoignage, Frédéric Vidal ? enfin, j'approuve à la fois le et je connais hein, évidemment la difficulté liée à la complexité administrative et aux règles des marchés publics et de mise en concurrence, etc. C'est des critiques qu'on entend souvent, qu'on a entendu beaucoup à ce micro. Sûr, hein, c'est la recherche de financement, voilà, les tâches administratives qui prennent du temps sur la recherche effective. Absolument, et ça, donc, c'est vrai que il faut probablement simplifier les choses et repenser les organisations de manière à ce que finalement un chercheur qui est arrivé à maturité, qui dirige une équipe ou qui dirige un laboratoire consacre la très grande majorité de son temps, on va dire, à ces choses administratives. Et effectivement, je suis tout à fait d'accord, c'est extrêmement compliqué. Comment faire ? Vraiment, l'objectif qu'on s'est fixé, c'est d'avoir un système qui soit beaucoup plus simple. D'abord, les règles sont différentes entre les différentes tutelles. Et donc là, effectivement, c'est un laboratoire qui n'a qu'une tutelle universitaire, mais c'est encore plus compliqué, si je puis dire, quand on a trois tutelles, qui sont toutes des tutelles d'État, mais qui pourtant n'ont pas complètement les mêmes règles. Donc ça, déjà, il faut qu'on arrive à le simplifier. Il faut qu'on ait aussi beaucoup plus de soutien à la recherche. Ce qu'on a tendance à voir hein, lorsque les choses se compliquent, et c'est naturel, hein, c'est que chaque organisation essaye de simplifier son propre mode de fonctionnement sans penser au cœur de métier. Et le cœur de métier de l'université, c'est la formation et c'est la recherche. Et donc, il faut aussi transformer les organisations pour qu'elles se remettent au service de la recherche et au service de l'enseignement. Voilà, il n'y a pas de, vocation à avoir un service au sein d'une université qui ne mette pas ces deux choses-là en avant. Et j'allais dire, c'est humain et c'est naturel. Voilà. Donc ça, c'est. Il faut vraiment reprendre les choses de ce point de vue-là. Le seul point sur lequel, bon, évidemment, sur le côté passion, ça, je ne peux qu'être d'accord. Heureusement, il en faut parfois quand on travaille dans des conditions un peu de dénuement et difficiles, comme on a pu l'entendre. Je suis convaincue que de toutes les façons, c'est aussi une richesse incroyable de pouvoir dire. Qu'il n'y a pas un matin où on a soufflé pour aller travailler, si je puis dire. Enfin, voilà, c'est quand même. Il y a beaucoup de gens qui disent que c'est avant tout cette passion, et même si cette passion s'appelle un travail, évidemment, et que c'est même énormément de travail. La seule chose qui me paraît peut-être à expliquer, oui, ou qui me chiffonne. C'est vraiment la question des grands programmes. D'abord, les grands programmes sont prévus pour être financés sur le grand plan d'investissement. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas vocation à empiéter sur le budget de votre ministère. Le budget du ministère, c'est de l'argent supplémentaire. Hein, c'est un peu plus de 3 milliards d'euros qui vont venir soutenir ces grands programmes, comme par exemple le programme intelligence artificielle. On a des défis face à nous. Et pour répondre à ces défis, ce ne sera plus jamais, à mon sens, une seule discipline qui pourra y répondre. Il faudra qu'on convoque autour de ces défis le meilleur de plusieurs disciplines. Et donc, évidemment, c'est très important que la recherche de base continue à se développer, j'allais dire, sans ligne directrice. Parce que bien sûr, moi je racontais en permanence à mes étudiants que si on n'avait pas autorisé un chercheur à se demander s'il y avait des êtres vivants dans les sources d'eau chaude, on n'aurait aucune analyse génétique aujourd'hui. Donc bien sûr qu'il faut garder cette recherche qu'on appelle de base ou académique. Ou voilà. Mais pour répondre aux défis fondamentaux, mais pour répondre aux défis qui sont face à nous, hein, on a besoin de convoquer le meilleur de chaque discipline. Et ça, évidemment, ça se fait au travers de programmes à l'échelle nationale ou à l'échelle européenne, parce qu'à un moment, il faut vraiment qu'on tire le bilan de toute cette recherche qui a été faite. Et là, évidemment, il n'y a que les chercheurs qui connaissent ce bilan, et qu'on regarde comment on peut la structurer pour répondre à un défi. Et on reviendra sur cette échelle européenne qui est évidemment essentielle aujourd'hui à la recherche française. Mais un dernier mot sur ces questions budgétaires. On revient, et on en a également souvent parlé à ce micro, sur cet objectif des 3% du PIB consacré à la recherche. Il faut rappeler que la France aujourd'hui est à 2,25, dont seulement 0,8 pour le secteur public. Frédéric Vidal, est-ce qu'il n'est pas un peu paradoxal de sous-investir dans ce qu'on appelle les R&D de la part d'un État et d'un chef de l'État qui veut promouvoir la Startup Nation? Quand on a une start-up, on dope le développement précisément pour doper ses résultats. Pourquoi est-ce qu'on ne dope pas plus le budget de votre ministère pour aboutir à ces résultats-là? Alors, évidemment, c'est l'objectif et nous sommes en train d'essayer de créer les conditions pour y arriver, parce que ça, c'est la première chose. Les budgets qui ont été mis en avant sur le budget 2018, et malgré toutes les contraintes, c'est l'éducation nationale, c'est l'enseignement supérieur, sont les budgets qui ont le plus augmenté. Donc, il y a quand même, en tout cas, la volonté de traduire l'importance de l'éducation et de la recherche pour notre pays. On crée le fonds d'innovation de rupture qui va être doté de 10 milliards d'euros justement pour faire ce passage entre la recherche académique dans les laboratoires, la R&D et l'industrie. On a besoin aussi de peut-être renouer le lien entre le tissu économique et le tissu industriel et le tissu de recherche en France. Moi, j'ai vu une anecdote incroyable d'une société française qui passe une convention avec une université américaine qui, au travers de ses collaborations avec une université française, faisait circuler des financements de R&D par des circuits absolument incroyables, mais simplement parce que il y a cette confiance à remettre en place, peut-être entre le monde industriel et le monde de la recherche académique. C'est pour ça qu'il faut créer des passerelles. Ces passerelles, elles se créent aussi par des individus qui peuvent avoir envie, un temps de leur carrière, d'amener une de leurs découvertes théoriques vers quelque chose de plus concret. C'est pour ça qu'on soutient aussi la création de start-up, deep tech, par des chercheurs. Enfin, voilà. Donc, on est en train d'essayer d'organiser tout ceci. Et on le fait évidemment dans le cadre des contraintes qui sont les nôtres, mais en tout cas, l'ambition est là. Puisque la croissance est au rendez-vous, ça veut dire qu'on sera à ces 3%, on sera l'un des rares pays européens à atteindre les 3% d'ici la fin du quinquennat, vous pouvez vous engager là-dessus? Je ne m'engage pas sur des chiffres que je ne maîtrise pas évidemment. Complètement, d'autant plus que dans cette part de 3%, il y a aussi la part R&D industrielle. La méthode scientifique, Nicolas Martin. La ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Frédéric Vidal, est donc notre invitée spéciale tout au long de cette heure. Passons à une autre question essentielle, importante et parfois douloureuse, vous allez l'entendre, sur les carrières scientifiques dans notre pays, la question des débuts de carrière et du statut du doctorat en France. Je vous propose d'écouter le témoignage de Camille Clément. Elle est docteure en géographie depuis 2012, 6 ans déjà, 6 ans de post-doc, de contrat précaire. Résultat, elle abandonne la recherche. Pourquoi aujourd'hui vous décidez à vous orienter vers l'auto-entrepreneuriat alors que votre formation vous prédisposait plutôt à la recherche et à l'enseignement ? C'est clairement parce qu'il n'y a pas suffisamment de postes et qu'il y a une telle pression sur les postes que je suis dans l'incapacité de n'avoir que cette option-là comme orientation professionnelle. Ça serait complètement déraisonnable de ma part, autant professionnellement que personnellement, de ne viser que cette orientation. Aujourd'hui, j'ai un peu une double stratégie professionnelle. Je continue à candidater à des postes de maître de conférence et parallèlement, j'ai décidé de construire un autre projet où j'ai l'impression de plus avoir la maîtrise. Aujourd'hui, je suis confrontée vraiment à un principe de réalité de qu'est-ce que je peux faire. Et c'est pas facile de trouver l'équilibre entre ce qu'on peut faire et ce qu'on a envie de faire. Et aujourd'hui, je sais aussi que j'aime beaucoup l'enseignement, donc peut-être qu'une autre stratégie que j'aurai dans quelques années, ça serait peut-être les concours du professorat plus classiques. En fait, ce qui est difficile aussi, c'est toute la difficulté autour du statut de ces jeunes chercheurs. Vous m'avez rencontré finalement par une liste des docteurs sans poste, où on voit bien dans les échanges qu'on a dans cette liste qu'il y a beaucoup de mal-être par rapport à ça. on ne sait pas quelle forme de reconnaissance on a. On a des indicateurs qui nous montrent une reconnaissance. On a des publications qui sont acceptées par nos pairs. On a des projets qui vont parfois être financés. Donc tout ça, c'est plutôt des formes de reconnaissance. Et de l'autre côté, on a plutôt des signaux de rejet avec des non-classements à des postes, avec des postes de chercheurs ou d'enseignants-chercheurs qui nous sont complètement inaccessibles. Et en fait, ce double message contradictoire est très difficile à vivre. Est-ce que c'est parce que je suis pas compétent, je suis pas fait pour ça, ou est-ce que c'est parce qu'il y a un système qui est en place et qui ne permet pas en fait de répondre à la demande? Parce que d'un autre côté, on voit que dans les labos, il y a des besoins. Il y a des besoins d'enseignants, il y a des besoins de chercheurs qui sont remplis par des vacataires, par des post-docs, par des doctorants. Donc on voit qu'il y a une demande, mais on voit qu'il y a un système qui se met en place de précarisation qu'on ne maîtrise pas et que les organisations, les institutions en place n'ont pas encore pris en compte. Vous envisagez éventuellement de quitter ce monde de la recherche. Je voudrais savoir si c'est quelque chose que vous faites à regret ou si c'est quelque chose où vous vous dites « bon, finalement, ça me soulage ». Je le fais à regret parce que moi, je crois beaucoup en ce que je fais. Je crois beaucoup dans ce qu'il est possible de faire et les évolutions qui sont possibles aussi au sein de la recherche. Et je veux pas être pessimiste par rapport à l'évolution de la recherche, mais j'ai envie de baisser les bras régulièrement. Ouais. Voilà un témoignage un peu dur de Camille Clément et je dois vous signaler, Madame Lamis, que ce n'est pas le seul que nous avons reçu. J'en ai un autre sous les yeux. Je dois dire qu'après 10 mois de chômage et moult candidatures rejetées comme des bouteilles à la mer, je me pose la question de mon utilité sociale. Je dois avouer que je me sens actuellement comme mis au placard. Ces 6 dernières années ont été ponctuées de 21 mois de chômage. Je suis reparti vivre chez mes parents. Ce n'est pas facile de le reconnaître à la veille de ces 34 ans. Que faire? Est-ce qu'il y a un problème en France avec les débuts de carrière scientifique? Chaque situation individuelle est toujours un crève-cœur et là encore, je vois très bien ce dont parlent ces jeunes. Moi, ce dont je suis persuadée, c'est que il faut qu'on ouvre les possibilités d'insertion professionnelle des docteurs au-delà des laboratoires de recherche académique. Ça, c'est un problème que l'on a dans le système français, qui, une fois de plus, existe beaucoup moins dans d'autres systèmes. D'abord parce que faire un doctorat, c'est toujours placé dans une perspective de carrière académique. À l'exception des doctorats financés, cofinancés par l'industrie ou par les administrations, comme les bourses CIFRE, l'objectif, c'est quand même la carrière académique. On a, dans nos entreprises, dans nos industries, dans nos laboratoires de R&D, trop peu de docteurs. Là encore, parce que le système français est fait de telle sorte que le doctorat n'est pas un diplôme qui est reconnu professionnellement. Une des premières choses auxquelles je me suis attelée, et je suis ravie qu'on en voit le bout au bout d'un an, c'est par exemple d'inscrire le doctorat au registre national des compétences professionnelles. Il n'y était pas. C'est-à-dire que le diplôme le plus élevé qui était dans ce RNCP, c'était le bac plus 5. Mais vous savez bien que pour faire changer les mentalités, notamment du secteur privé, il va falloir un peu plus qu'une inscription au registre. Il faut du temps, certainement. On a reçu des témoignages de gens qui disaient « j'ai dû rayer de mon CV la mention docteur pour ne pas faire peur aux futurs employeurs ». Alors, c'est vrai que ça, c'est la deuxième chose qui est en train de se modifier. C'est assez lent, mais on commence à en voir les effets. Comme on a depuis plusieurs années maintenant, essayer de promouvoir la création d'entreprises par les étudiants et y compris les docteurs, et que ces startups créées, lorsque elles sont ensuite réintégrées dans des grands groupes ou etc., en général réintègrent les personnes qui les ont créées, on commence à voir monter le taux de docteurs dans les laboratoires de R&D. Et ça, évidemment, ça fait partie des choses qui vont aider, mais c'est un processus qui, effectivement, est un processus qui est lent. Et puis, on commence à assister quand même à quelque chose qu'il faut surveiller, en tout cas, mais qui est intéressant. C'est qu'on commence à voir des sièges ou des laboratoires de R&D d'entreprises étrangères s'installer en France, parce que justement en France il n'y a pas de pénurie de docteurs comme on peut en voir dans d'autres pays. Et ils savent qu'ils vont être capables de recruter des docteurs extrêmement bien formés à la sortie de leur doctorat. Et quand je dis que ça fait partie des choses qu'il faut surveiller, c'est que, comme dans tout mouvement de balancier, il faut faire attention qu'on n'aille pas à l'autre extrémité. C'est-à-dire que les docteurs partent plus volontiers dans ces laboratoires de R&D privés étrangers que continuent à alimenter la recherche académique dans les laboratoires de recherche. Voilà. Un mot important, Frédéric Vidal, sur ses débuts de carrière en pointillé, sur cette précarisation, les CDD, ce système absurde des post-docs qui s'enchaînent dans les labos. On vient d'entendre Camille Clément en parler. Hein. Les labos en ont besoin. Alors on forme quelqu'un pendant 6 mois, pendant 1 an, à des manips techniques, et puis pof, il disparaît, il faut refermer quelqu'un d'autre. C'est de la perte de temps, c'est de la précarité. Est-ce qu'il faut changer ça? Est-ce qu'il faut... Au contraire, Antoine Petit disait à ce micro qu'il voulait encore développer l'emploi des post-docs. Il faut trouver un statut du post-doc. Comment faire pour résoudre ces problèmes de précarité? 12% de chômage, le taux d'embauche, 3 ans après la thèse en France. Alors, là encore, il y a 2 choses. Moi, je crois que c'est important, y compris pour terminer de construire son raisonnement scientifique, etc. J'allais dire de quitter le nid, c'est-à-dire d'avoir une expérience de recherche postdoctorale, parce que quand on fait un postdoc, pour la première fois, on va être totalement responsable du sujet qu'on propose, on va avoir changé d'environnement, on va finir de faire la démonstration qu'on est en capacité de porter un programme de recherche, éventuellement d'obtenir des financements pour le porter, d'animer un début de petite équipe, etc. Donc, cette expérience... Personne ne la conteste, hein, tous les jeunes chercheurs sont tout à fait d'accord. La question, c'est la multiplication. Absolument. Cette expérience-là, elle est absolument essentielle et elle nécessite évidemment qu'on change, alors évidemment pas complètement de thématique, mais en tout cas que, voilà, on aille faire un sujet qui est à la limite de son sujet de thèse, dans un autre environnement, etc. Ça, c'est essentiel. D'ailleurs, tous les pays le font. Après, il faut se rappeler que la France est probablement un des seuls pays où les carrières de chercheurs et d'enseignants-chercheurs démarrent quelque part aussi tôt. Il y a énormément de pays où cette durée de post-doc ou de tenure track, etc., c'est plutôt une durée de entre 5 et 10 ans. Et ensuite, les postes statutaires, c'est d'abord extrêmement rare. La majorité des gens sont obligés d'aller chercher leur salaire sur les grants, etc. Donc, on a un système qui, à côté de ça, est très attractif, y compris à l'international, puisque 30% des recrutements qui sont faits dans les organismes de recherche sont des recrutements internationaux. Donc c'est les enseignants-chercheurs, hein. C'est 30% des enseignants-chercheurs. Des chercheurs aussi, globalement. Donc voilà, on a à la fois cette chance, je pense que c'est une chance qu'il faut préserver, lorsqu'on est recruté, d'avoir finalement beaucoup de temps et d'être recruté jeune sur des fonctions statutaires pérennes qui ne seront plus réinterrogées. Mais on a malgré tout cette difficulté, effectivement, d'enchaînement de post-doc sur des financements qui sont peut-être trop courts. Donc moi, je rejoins assez Antoine Petit sur cette question. Il faudrait peut-être avoir des financements de post-doc qui soient une fois ou deux fois, mais sur une durée fixe, qui ne soient pas des enchaînements de 6 mois, parce qu'en 6 mois, honnêtement, c'est très compliqué de produire quelque chose en termes de recherche. Il faut probablement qu'on repense ce statut de post-doc. Et en tout cas qu'on évite les enchaînements de post-doc de 6 mois. Avec la réalité... Une action dissuasive pour les grands instituts de recherche, pour éviter de multiplier les CDD, quelque chose comme ça ou... Là encore, on a besoin de temps long en recherche. Hein, ça, c'est presque la définition de toute recherche. Donc, les modalités de financement des post-doc qui peuvent aller de 6 mois à 18 mois. Ensuite, si on a des contrats européens, ça peut s'allonger. C'est quelque chose qui est probablement à repenser et à mieux organiser. Un dernier mot sur ce sujet-là, on l'entend dans le témoignage de Camille Clément, il n'y a pas de poste, c'est quelque chose qu'on a beaucoup entendu, sur la création de postes dans la recherche, selon un papier de mon confrère et camarade Sylvestre Huet, qui mentionne le bleu budgétaire pour 2018, il l'indique, zéro poste créé dans les laboratoires de recherche publique. Est-ce que c'est vrai et est-ce qu'il ne faut pas commencer par le début, c'est-à-dire recréer des postes dans les laboratoires de recherche publique, Frédéric Vidal? Alors là encore, bon, c'est un tout petit peu technique. Ce que ce bleu indique, hein, c'est le plafond d'emploi. D'accord ? Et il faut savoir que tous les organismes, comme les universités, sont très largement en dessous de leur plafond d'emploi. Le plafond d'emploi, c'est le maximum autorisé. Donc ça ne sert à rien d'augmenter le plafond d'emploi si on n'est pas en capacité d'effectuer réellement les recrutements. C'est un peu ce qu'on a vu dans les universités ces dernières années, hein, avec une annonce de création d'emplois qui a permis d'augmenter les plafonds d'emploi, mais dans la réalité, avec des budgets qui ne permettaient pas les recrutements. Donc moi, je préfère de loin assurer la masse salariale globale des établissements pour l'ensemble des agents de la fonction publique et des agents contractuels. Et lorsque je dis qu'on peut créer 10 emplois, donner vraiment l'argent qui permet de les créer pour de vrai et pas juste augmenter un chiffre qui, de toutes les façons, aujourd'hui n'est pas atteint. Frédéric Vidal, il nous reste quelques minutes pour parler de la recherche française à l'international. Alors, on ne va pas avoir le temps de diffuser le témoignage que nous avions recueilli d'un jeune chercheur français, chercheur en immunologie à l'université Mount Sinai à New York, qui est là-bas depuis 6 ans, qui aimerait revenir au pays, mais qui n'y arrive pas. Et il dit quelque chose d'intéressant, ce témoignage. Il dit, le problème, c'est que la recherche française produit de la jeune chair pour la recherche internationale, pour les États-Unis et pas suffisamment pour notre pays, pour la France. L'impossibilité de retour après ces post-docs à l'étranger, qu'est-ce qu'il faut faire quand de l'autre côté le président ouvre la porte aux chercheurs étrangers et se félicite de faire venir des chercheurs américains? Ces chercheurs-là sont un peu amers. Là encore, je crois qu'il faut, il faut relativiser les choses. Je pense que vous faites allusion à Make a Planet Great Again. Mm-hmm. Dans les candidatures qui ont été reçues et qui ont été d'ailleurs retenues, on a aussi évidemment des chercheurs qui ont été formés en France, qui ensuite étaient dans des labos à l'étranger, notamment aux États-Unis, et qui ont profité de cette opportunité pour revenir en France. Donc, une fois de plus, hein, même si c'est sur des cas individuels, on pourra toujours trouver des contre-exemples. Globalement, nous avons autant de jeunes chercheurs qui s'exportent vers d'autres pays dans lesquels on fait de la recherche que de jeunes chercheurs de ces pays qui viennent en France. Et par définition, la recherche, c'est quelque chose qui se pense comme ça de façon internationale. Donc, c'est aussi comme ça qu'on a des relais dans d'autres universités, parce qu'on a des... Moi, j'ai des doctorants qui sont dans des universités aux États-Unis et ça permet d'envoyer des étudiants en stage chez eux, etc. Donc, il ne faut pas réduire les choses à « j'ai fait mes études en France, je veux revenir en France », etc. C'est pas le cas et il y a des gens qui peuvent revenir... Revenir en France, la difficulté, c'est qu'on retrouve, si je puis dire, la lourdeur administrative qu'on a rapidement oubliée quand on a fait un postdoc à l'international et qui nous retombe dessus. Mais néanmoins, ce désir de revenir en France, c'est aussi ce qui prouve qu'on n'est peut-être pas complètement si malheureux que ça de faire de la recherche en France. Donc c'est très ambigu en fait comme situation. On rêve de revenir faire de la recherche en France et pourtant, de manière très objective, on sait que tout n'est pas parfait en France. Donc voilà, l'idéal ce serait que les choses s'améliorent et que ceux qui ont envie de revenir puissent le faire et puissent ramener leurs expériences. Un mot sur le classement de la France en matière de publication. Hein. La France est chuté à la 7e place en termes de publication, malgré une surenchère dans le nombre de publications qui a augmenté de façon extrêmement significative ces 10-15 dernières années, et ce à budget constant. Est-ce que la France a encore les moyens de faire cavalier seul en termes de recherche au niveau mondial, Frédéric Vidal? Ce qu'on voit en fait, hein, c'est... Si on est sur du comparatif avec d'autres pays européens, on voit que la France tient tout à fait son rang. Les pays qu'on voit arriver, ce sont des pays dans lesquels, sur ces dernières années, il y a eu un investissement colossal en termes de la recherche. La Chine au premier rang, qui passe à la deuxième place en 10 ans. L'Inde qui arrive aussi. Remontada de la Chine. Absolument. Bon, donc ça c'est, j'allais dire, la première chose. Après... Il faut, si on rentre un peu plus dans le détail et qu'on n'est pas simplement sur le taux de publication, mais qu'on regarde en termes d'impact des publications, c'est-à-dire combien de fois les publications les plus citées, oui, combien de fois elles sont citées, etc. Là, on voit que la France tient encore tout à fait son rang. Est-ce que néanmoins, on a besoin de construire des choses plus fortes au niveau européen, et, y compris de mobiliser les financements européens sur tout ce qui est recherche et innovation plus fortement? Oui, bien sûr. Et c'est ce à quoi nous sommes plusieurs ministres de l'Europe à nous employer. Nous sommes vraiment convaincus qu'il faut que, au niveau de chaque État comme au niveau de l'Europe, il y ait un véritable investissement et des financements bien supérieurs pour soutenir la recherche. Parce qu'on voit bien que pour ce qui est de la Chine et de l'Inde, effectivement, c'est du financement massif. C'est donc, une fois de plus, les cordons de la bourse. Donc je repose ma question différemment. Est-ce que la France a encore les moyens financiers de se maintenir à cette place et d'avoir ce niveau, cette stature internationale qui a longtemps été la sienne? Bah, une fois de plus, il y a deux façons de voir les choses. On massifie et, évidemment, en massifiant, au bout d'un moment, on va voir émerger des gens qui vont être excellents. C'est la stratégie que la Chine a mise en place. En Europe, on est sur des systèmes qui sont construits depuis plus longtemps et qui donc sont moins massifs, mais sont plus visibles et plus reconnus en termes d'impact et en termes de lecture des publications et impact des publications des pays européens. C'est cette avance-là, évidemment, qu'il faut qu'on conserve, et ça veut dire qu'il faut qu'on pense beaucoup plus ensemble qu'en compétition. Et c'est l'idée aussi des universités européennes. On le voit bien, hein, vu de Chine, pour un étudiant chinois, venir étudier en France, quand il regarde la taille de la France, c'est plus petit que d'étudier dans une province en Chine. Donc l'Europe est déjà beaucoup plus adaptée en termes de terrain de jeu pour les étudiants internationaux. Et on voit bien que les grands succès scientifico-industriels, le LHC, ArianeSpace, toutes les grandes infrastructures, bien sûr, tout ça, c'est le portage européen et évidemment le portage naturel. Et c'est vers ça qu'il faut aller. Mais y compris vous sentez le soutien de vos collègues des autres pays européens pour continuer finalement à jouer dans la cour des grands au niveau européen. On est tout à fait alignés de ce point de vue-là. Et vous voyez les initiatives, que ce soit sur le climat, que ce soit sur l'intelligence artificielle, que ce soit sur l'antibiorésistance. Ce sont des initiatives qui, en préfiguration, sont portées par quelques pays européens conjointement et qu'évidemment nous pousserons au niveau de l'Europe sur le prochain programme. Frédéric Vidal, mille merci d'avoir été notre invité au cours de cette heure. On vous revoit l'an prochain pour vos 2 ans à la tête du ministère. Allez, volontiers. Merci. Le rendez-vous est pris. Mille merci à vous. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique. Eve Etienne, Antoine Beauchamp, Céline Lozen, Noémie Naguette Saint-Villefranc, Sarah Igemans et Elisabeth Miro à la réalisation. Un mot sur la suite de vos aventures sur France Culture. Tout à l'heure, c'est le 4e et dernier épisode de la série documentaire consacrée à la radicalisation des milieux d'extrême gauche après mai 68. Une série de Christelle Le Polothèque de Christine Robert. À 18h20, Du Grain à Moudre, présenté par Émilie Chaudet, qui demandera à ses invités université, ZAD, migrants, mais que fait la police? Et puis demain, eh bien, pour ce qui nous concerne, ce sera l'heure de la table ronde consacrée, comme tous les 15 jours, à l'actualité des sciences et de la recherche. Il sera question notamment d'un peuple d'hommes-poissons, de la recherche sur le placenta, et d'écouter battre le cœur de la planète Mars. Rendez-vous demain à 16h, jusqu'à preuve du contraire.